très bel après-midi. Merci d'écouter La Première. Voici Histoire vivante jusqu'à 14h. Vacarme avec le Festival international du film de Genève du 2 au 10 novembre. Infotrafic RTS. Sur l'autoroute Vevey-Martigny, un accident provoque un bouchon entre Villeneuve et l'aire de service d'Yvorne en direction du Valais. Et sur l'axe Genève-Lausanne, un véhicule en panne ralentit le trafic entre Morgest et l'échangeur d'Écublens en direction de Lausanne. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, du cinéphile au documentariste. Rencontre avec William Carell. Putting a man on the moon as part of a great national effort. Captain America, je suis très flatté que vous ayez pensé à moi. Nous sommes déterminés à reprendre notre pays. Nous allons remplir la promesse de Donald Trump. Les citoyens américains se préparent à accueillir leur nouveau président. Then it's time for new leadership for the United States of America. Et à votre gauche, voici maintenant les fameux bâtiments de Watergate. Il est vrai qu'il n'y a pas grand-chose en jeu, excepté le premier amendement de la Constitution, les droits de l'homme, la liberté de la presse et peut-être même l'avenir des États-Unis. Et soudain, tous ces poids lourds de la politique se sont télescopés, comme des trains qui se percutent à toute vitesse. This is America, and we will not allow any terrorist to threaten civilization with weapons of mass murder. Comment débuter dans le métier quand on vient de loin? Et d'où vient-il tout d'abord cet homme avec lequel nous passerons une semaine? Une semaine où il sera question des États-Unis, plus précisément même de Maison-Blanche. Et pour évoquer cette Amérique et son pouvoir, il nous a paru naturel de rencontrer le réalisateur francophone qui a sans doute le plus exploré les arcanes de la Maison-Blanche. William Carell, puisque c'est de lui qu'il s'agit, aura en effet tourné à partir de l'an 2000 une série spécifiquement consacrée aux hommes de la Maison-Blanche, réunissant un casting des plus imposants portant sur plusieurs décennies d'administration états-unienne. En effet, les trois heures de ce documentaire fleuve permettent aux spectateurs de voyager dans le cœur de la Maison-Blanche depuis l'administration Truman jusqu'à celle de George Bush père au travers des différents conseillers qui y auront travaillé. Une série poursuivie par la livraison, quelques années plus tard, de CIA, Guerre secrète, et enfin peut-être par le plus connu de ces documentaires, Le Monde selon Bush. Parenthèse pour rappeler que William Carell est aussi l'auteur de ce fameux Opération Lune, un film qui avait singulièrement marqué les esprits en forme de documenteur, formule chère à François Truffaut, qui aimait rappeler à chacun combien le documentaire peut être menteur et manipulateur, bien plus que la fiction qui, elle, dès le départ, ne cache pas son jeu. On imagine la richesse du carnet d'adresses établi par William Carell, qui semble capable d'approcher et d'interroger n'importe qui dans ce qu'il est convenu d'appeler la cour des grands. On est d'autant plus surpris quand on rencontre le réalisateur d'avoir devant soi un homme d'une infinie courtoisie, d'une modestie fermement affichée, ou peut-être d'un orgueil fermement dissimulé, ce qui revient sans doute au même, et surtout d'une timidité, elle, non dissimulée. Autant de raisons, que ce soit par la richesse des rencontres qu'il a pu faire, la somme des anecdotes qu'il a pu glaner, ajoutée au plaisir de frôler le secret des grands chefs qui s'ingénient à ne vous livrer qu'une partie de leurs recettes et nous font ainsi 10 fois plus saliver, autant de raisons donc de vouloir partir à la découverte de William Carell. C'est ce que nous vous proposons toute la semaine pour raconter à notre façon et surtout lui laisser raconter les secrets de la Maison-Blanche. William Carrel, merci d'être derrière ce micro. On va vous entendre tout au long de la semaine et j'ai souhaité votre présence parce que il est question, on le sait, et vous le savez sans doute aussi mieux que quiconque, d'élections américaines. Or, c'est bien un lieu que vous avez été scruté de près pendant assez longtemps, je veux dire la Maison Blanche. Mais avant qu'on vienne à parler des États-Unis, de la Maison Blanche, des élections, des hommes du président, des hommes de la Maison Blanche que vous avez rencontrés, j'aimerais bien qu'on démarre par des choses d'avant, des origines. Est-ce que vous pouvez un petit peu vous raconter aux auditeurs de la Radio Suisse Romande afin qu'ils fassent un peu plus connaissance avec vous? Oui, je ne sais pas si ça va être passionnant. Disons que j'ai commencé par être... Si je commence dès le début, j'ai travaillé en usine jusqu'à de l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 20 ans, y compris 4 ans à Paris aux usines Renault sur les camions comme ouvrier. Ensuite, j'ai fait des cours du soir de la rue de Vaugirard pour être photographe. J'avais très envie, on pouvait à cette époque suivre des cours de 7h à 11h du soir pendant 2 ans. J'ai eu un diplôme, entre guillemets, de photographe. J'ai travaillé un an comme reporter au Nouvel Observateur. Si je fais un peu plus long l'histoire et vous dites qu'on avait le temps, s'il y a un moment important, c'est que je devais être photographe. Le Nouvel Observateur était d'accord pour m'engager comme photographe, à condition que j'ai mon propre matériel, mon studio de prise de vue et mon laboratoire. Je n'avais pas un sou et comme j'étais passionné par le cinéma, j'ai participé à une émission qui existait à l'époque qui s'appelait Monsieur Cinéma. Pierre Tchernien. Exactement. 16 octobre 1967 sur le plateau de Monsieur Cinéma. William Carrel, qui s'appelle alors William Saada, est vainqueur depuis 5 semaines. Il est opposé à Monsieur Mirowski. À ce moment du jeu, animé par Pierre Tchernia, le challenger a d'ores et déjà distancé le champion. Les dernières questions sont donc pour l'honneur. Rien ne vous empêche d'y jouer encore. Est-ce que vous pourriez me dire qui était le metteur en scène des trois Fantomas, des trois Fantomas récents dans lesquels a tourné Mylène de Montjeau? Oui. Oui, oui. Monsieur Saada, vous pourriez me dire... C'est bien sûr des films où a tourné Mylène de Montjeau. Le titre du film de Raymond Rouleau, tiré d'une pièce d'Arthur Miller, vous pourriez me le dire. Monsieur Mirowski, vous pourriez me dire qui était le metteur en scène de Bonjour Tristesse. Oui. Vous pourriez me dire, Monsieur Saada, le titre de l'un des deux films que Mylène de Montjeau a tourné avec Michel Deville. Un seul. Oui. Très bien. Monsieur Mirowski, vous pourriez en plus me dire qui était le metteur en scène du film Le Vent se lève. Non. Non. Vous pourriez me le dire, Monsieur Saada? Oui. Oui. Est-ce que vous pourriez me dire, Monsieur Saada, le titre du film de Roy Baker, tourné en Grande-Bretagne avec Dirk Bogarde et John Mills en 1961? Oui. Oui, oh là là. Vous pourriez me dire le titre du film de Bolognini, que Mylène de Montjeau a tourné en Italie d'après un scénario de Pasolini avec Laurent Terzieff et Jean-Claude Brialy pour partenaires? C'est une question longue, ça. Oui. Oui. Pourquoi dites-vous oui comme oui. ça Vous répondez aux 7 questions, Monsieur oui. Saada. Très bien. Où en sont vos totaux, si j'ose dire? Vous avez M. Mirowski à 16 points et M. Saada en a 7. Eh bien, hélas, M. Saada, je crois que c'est votre dernière semaine, mais vous allez finir en triomphateur, hein, avec 14 points. Allez, peut-être. 14 points. Le metteur en scène des trois Fantomas. André Unebel. Le film de Raymond Rouleau d'après une pièce d'Arthur Miller. Les sorcières de Salem. Le metteur en scène de Bonjour Tristesse. Otto Preminger. C'est parfait. L'un des deux films tourné avec Michel Deville. À cause d'une femme. Très bien. Metteur en scène du Vent se lève. Yves Campi. Le film de Roy Baker tourné en Grande-Bretagne avec Bogarde et... Le Cavalier Noir. C'est cela, oui. Enfin, le film de Bolognini tourné en Italie avec Terzieff et Brialy. Les Garçons. Les Garçons. Eh bien, Monsieur Saada, voilà 7 beaux points qui s'ajoutent à votre compte. Vous avez 14 à 16. Vous savez que je suis désolé de vous avoir vu trébucher sur la moitié du titre d'un film, mais hélas, surtout pour un gagnant comme vous, pour un homme qui est là depuis 5 semaines, nous sommes obligés d'être absolument stricts. Monsieur Saada, vous allez donc nous quitter avec 1 million en poche, 1 million d'anciens francs en poche, et je suis enchanté que les caisses d'épargne et de prévoyance vous aient permis de les gagner. Et Monsieur Mirowski, eh bien, vous venez d'abattre Monsieur Saada, voyez-vous, c'est un beau coup, ça, parce qu'il était là depuis 5 semaines, et il est fort, avouez-le. Oui, ah, oui. Il est très fort. Et j'ai gagné de quoi acheter tout un assortiment de Nikon, construire un labo. Et j'ai été photographe, pendant un an au Nouvel Observateur, ensuite un an au Point. Après, je suis rentré à l'agence Gamard et mon pardon m'a téléphoné. Je pensais que c'était une plaisanterie. Il m'a appelé un matin me disant « J'aime bien vos photos, est-ce que vous voulez venir à Gamma ?» Je pensais que c'était des amis qui s'amusaient, puisque c'était le mythe à l'époque, et Gamma et Depardon. Je suis resté 5 ans à Gamma, ensuite je suis allé à Sigma 5 ans, et après je suis allé en Israël où je suis resté une dizaine d'années. J'ai travaillé pour un hebdomadaire d'Uri Avneri, un hebdomadaire d'extrême-gauche comme photographe. Et puis je suis revenu en France, et après donc j'ai travaillé à Gamma, Sigma, pendant 5 ans dans chaque agence. Après, j'ai été photographe de plateau, j'ai travaillé avec Truffaut pendant longtemps, comme photographe de plateau, disons sur ses derniers films. Et puis j'ai travaillé avec Maurice Pialat, longtemps. Longtemps, je veux dire, près de 4 ans, tout le temps. Et avec Pialat, 4 ans, c'est long. Oui, c'est ça. Et c'était très bien, il a une réputation un peu exagérée. Et sur le film Police, où il m'avait demandé en plus de... Si je dois à quelqu'un quelque chose, c'est Maurice Pialat 1. Il m'a proposé de travailler sur le scénario de Police, je ne l'avais jamais fait. Et après j'ai continué pour travailler avec Philippe Faucon, j'ai continué à écrire tout le temps des scripts. Et lui surtout m'a dit, et si on laissait de côté un peu la photo et on faisait autant faire de la caméra. Et on a fait ce qui était mon premier film, Pialat au travail pour Canal+. Et donc j'ai commencé à faire... de la télé, comme ça, des petits sujets au début, même si je gomme dans ma, entre guillemets, filmographie, j'ai fait les clips de Mireille Mathieu, des trucs assez surprenants. Pourquoi gommer? Collecteur. Je dis toujours un jour, si un jour ils décident, comme ils font souvent au FIPA, ils vont fouiller dans tout ce que vous avez fait, ils ressortiront tout ce que j'ai... Ça sera déniché un jour ou l'autre. Forcément. Il vaut mieux que ce soit vous qui ayez la main là-dessus. Je voudrais bien, William Carrel, parce que c'est assez saisissant quand j'ai bien fait de vous poser la question, dans le fond. L'usine, d'abord, comment on fait quand on est sur une ligne d'usine et qu'on fait le travail qu'on y fait, qu'on a des rêves de photographe? D'abord, comment ça vous traverse l'esprit? À quelle occasion ça vous vient d'avoir envie d'être photographe? Et de quelle manière ça ne va pas vous lâcher, au fond, puisque vous allez tout faire pour? Enfin, tout faire. Non, monsieur cinéma, vous l'avez dit. Non, c'est que j'en avais vraiment assez de travailler... En usine, c'était extrêmement compliqué. Les deux années où j'ai fait à la fois et l'école de photo et l'usine, c'était un cauchemar, parce que pour pouvoir quitter plus tôt l'usine, il y avait des horaires assez souples. Il fallait commencer à 7h du matin jusqu'à 5h de l'après-midi et ensuite aller de 7h à 11h faire l'école de photo, se relever le lendemain matin à 5 heures, c'était très compliqué, mais je voulais absolument faire de la photo, j'adorais ça. Et... C'est quoi l'origine? Répondez-moi là-dessus, c'est quoi pourquoi cette envie de photo? C'est né sur une image, c'est né... Peut-être sur une image, au moment où je vivais en Tunisie à Bizerte, en face de chez moi, il y avait un bac qu'on pouvait traverser, d'aller d'une rive à l'autre de la ville. Il y avait un bac qui traversait toutes les demi-heures le canal. Et un jour, il a sombré. Et j'étais à la fenêtre et j'ai fait une photo qui a été publiée dans un quotidien. Et ça m'a beaucoup plu et amusé. C'est peut-être ça qui a déclenché. Et là, vous êtes gamin, quoi, quand vous faites ça, non? Enfin, si on dit, disons, 14-15 ans, oui. Et c'est drôle, vous avez eu le réflexe d'aller chercher, c'est-à-dire que beaucoup seraient restés au balcon. Hein. Oui, je suis descendu, j'ai fait une photo. J'en ai fait une deuxième, je crois, après, mais qui n'a pas dû être publiée. Kadhafi venait dans la ville avec Bourguiba, et j'ai fait une photo aussi. Mais je sais pas si j'étais, en tout cas, certainement pas doué pour les photos de guerre. C'est pour ça que je me suis, comme je vivais en Israël, à ce moment-là, on m'a demandé de couvrir tout ce qui était terrorisme et la campagne au Liban et tout ça, et j'étais d'une nullité totale. D'abord parce que j'étais mort de peur et je trouvais, en fin de compte, la photo de plateau, si je suis resté 10 ans à Gamma et à Sigma et comme photographe de plateau, c'était uniquement avec le seul but de faire un film un jour. Je me suis dit que la meilleure école pour faire une fiction, c'était d'être photographe de plateau. La plupart des gens sont persuadés qu'il faut être premier assistant ou deuxième assistant, mais vous n'avez jamais le temps de rien faire. Tandis que photographe de plateau, vous n'êtes jamais jeté du plateau. Vous êtes toujours au pied de la caméra. En observateur. En observateur, c'est d'un... jeu d'enfant, le genre de photo à faire, vous faites la même photo que ce qui est en train de se tourner, c'est le meilleur poste d'observation. Alors il faut préciser, parce que quand vous dites c'est un jeu d'enfant, c'est pas forcément clair pour tout le monde, mais c'est vrai que les lumières sont déjà là, tout est là, il n'y a plus qu'à... Vous avez le chef opérateur, vous a dit quel objectif il allait utiliser, vous refaites le même cadre, tout est fait, les comédiens jouent, ils sont dirigés, il suffit d'appuyer. Mais c'est une très bonne école. Et donc je pensais faire ces 10 années comme photographe de plateau, pour pouvoir faire une fiction, et en fin de compte, je dis pas que j'ai fait des documentaires par dépit, mais j'ai dû attendre après 15 ans pour pouvoir faire une première fiction, alors que j'espérais tout le temps. Oui, c'est-à-dire que c'était quand même ça, avant tout, pour vous, qui vous motivait. C'était plutôt d'aller vers l'image en mouvement, avec des comédiens, plutôt que du réel. Bien sûr, mais on ne m'a pas... j'ai beaucoup fait de documentaires pour Arte, j'ai toujours fait du forcing à Arte à l'époque, y compris avec Pierre Chevalier, qu'on connaît. À Arte, ils avaient, à l'époque, peut-être maintenant, dans l'esprit, que ça vous semble toujours douteux. D'abord, on m'a toujours dit, quel intérêt de faire une fiction, puisque ça marche bien pour vous en documentaire. Et en plus, si à un âge avancé, vous décidez de faire pour un premier film, ça paraît toujours douteux. Si vous n'avez pas fait jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a quelque chose qui a dû tourner à l'envers. Oui, mais je crois me souvenir aussi, puisque nous avons eu l'occasion de parler déjà un peu ensemble, William Carell, hors micro, quand ça vous est arrivé, quand on vous a dit, bah oui, d'accord, allons-y, là, vous avez eu comme une espèce de rétro-pédalage en disant, mais mince, ça fait très longtemps que j'attends ce moment, est-ce que je vais pas être un peu inquiet? Oui, je suis inquiet, ça, voilà. Oui, c'est une panique totale, d'ailleurs, c'est certain. Ça n'a rien à voir en documentaire, moi je tourne avec des équipes extrêmement réduites, et documentaires, on est la plupart du temps deux, et d'un côté, on s'est rendu compte que les premiers documentaires que j'ai fait, le premier aux États-Unis, on est arrivé avec une équipe normale, entre guillemets, c'est-à-dire de 5 personnes. Et c'était horrible parce que le témoin est paralysé, vous éclairez pendant 1 heure la pièce. On s'est rendu compte que si vous arrivez avec une petite caméra que vous n'éclairez pas, que vous arrivez comme un amateur, on obtient beaucoup plus. Au fond, c'est la... moins il y a d'appareil, plus c'est discret et plus on obtient des choses. Donc du coup, la miniaturisation actuelle, vous devez vous dire, on obtiendra aujourd'hui et demain encore plus des choses insensées. Absolument. J'ai vu, on se croisait au moment où on a travaillé à la Maison Blanche sur le film sur Bush, il y avait les Anglais, l'équipe de Brian Lapping qui est très forte et qui tournait en même temps que nous avec les mêmes témoins. Eux arrivaient avec des équipes de 10 à 12 personnes, avec maquilleurs, coiffeurs, des camions entiers d'éclairage avec des câbles qui traînaient dans tous les couloirs. Et nous, on arrivait, c'était ridicule avec une petite caméra dans la poche, un micro et à deux, mais je pense que c'est plus intéressant. « Et donc, pour revenir au cinéma, le premier jour du tournage, d'arriver sur un plateau, et même si notre équipe était réduite, mais réduite, c'est 30 personnes. Et vous arrivez le matin, et il y a 30 personnes qui vous demandent quelle cravate va mettre ce comédien, où est-ce qu'on met la caméra, est-ce que les lumières vont bien et tout ça. Et puis, c'est fou. Et mon film qui s'appelle Meurtre à l'Empire State Building. The investigator's report said a short circuit had blown up the gas tank. I finally gave up. After the funeral, I went back to work at the crime squad. Tony went back to his routine business. He was fond of unhappy endings. He said they were best because they were the most lifelike. But Tony made a mistake that was almost fatal. He was so determined to get revenge that he decided to kill Audrey. Tony couldn't kill a New York cop. His friends in high places would never stand for that. But he'd come to the conclusion that Audrey was responsible for all his problems, and that Penny had certainly told Audrey what was in the file that had been burnt in the blazing car, along with his wife. Meurtre à l'Empire State Building, tourné entièrement en anglais aux États-Unis. Puis décliner un tout petit peu le casting, parce que c'est assez brillant. Voilà, c'était de tourner avec, dans le rôle principal, bon, Ben Gazzara était le tueur, et le policier était Kirk Douglas, et la fille, Sitch Harris. Et quand vous, si j'étais déjà paniqué quand je tournais pour Arte avec Anne Brochet et des gens charmants, imaginez quand vous êtes devant... Sitch Harris et Kirk Douglas, surtout avec des gens, elle n'avait pas tourné depuis 40 ans, et de dire moteur ou coupé, ou aller dire même à quelqu'un que c'est pas assez bien ou n'importe quoi, c'est à mourir de rire. Justement, comme dans mes rêves les plus fous, je n'arrive même pas à l'imaginer, racontez-nous comment ça s'est un petit peu passé, on va évidemment simplement effleurer, mais qu'est-ce que ça a été que ce tournage-là ? C'est le rêve de tout gamin. Kirk Douglas, j'avais 15 ans quand je courais voir tous ses films et de la voir comme ça. Sitch Harris, c'était le mythe complet. Quand on a demandé à Sitch Harris, je sais, Kirk Douglas a accepté dès le début de tourner dans le film parce que ça l'amusait. Et donc, comme le principe du film, c'est à chaque flashback, vous reprenez un film 60 ans où il est 60 ans plus jeune. Il joue le rôle d'un policier quand il a 25 ans et aujourd'hui... Il se pose des questions dans son appartement, pourquoi il n'a pas pu sauver cette femme en danger, même si ça paraît compliqué. Tout ça n'étant qu'un prétexte, évidemment, pour repartir en arrière. Bien sûr. Et donc, j'avais vu tous les films de Kirk Douglas, on cherchait toujours qui pourrait jouer la femme. Et en voyant le film 15 jours ailleurs de Minnelli, j'ai vu qu'elle jouait dans le film avec lui. Et on s'est dit, on va lui envoyer un mot, on va voir si quelle va être sa réaction. Comme je pense, elle a tout de suite dit oui, comme on... Le sujet, c'était une danseuse qui se faisait virer de son travail parce qu'elle ne dansait pas assez bien et tout ça. Peut-être que ça l'a amusée, mais elle a pris ça tellement au sérieux où elle a engagé un coach qui la faisait répéter pendant... Elle joue 3 minutes dans le film, ou 4, et elle a engagé quelqu'un qui la faisait répéter pendant 1 mois. Elle m'envoyait des CD en disant « Est-ce que vous pensez que c'est assez bien ?» et tout ça. Il fallait vraiment se pincer pour croire que si Charis vous envoie un CD en disant « Est-ce que vous pensez que je joue assez bien ?» C'était... Qu'est-ce que c'est, cette phrase-là, c'est quoi ? C'est l'inquiétude ? C'est l'extrême professionnalisme ? C'est bien autre chose que ça ? Oui, le professionnalisme, ça c'est certain. Ben Gazzara aussi, avec lui on a tourné entièrement à Rome, puisque c'était un tueur de la mafia réfugié en Italie. Et il venait un jour avant le tournage... parce qu'il trouvait assez mal traduit son texte, réécrire dans la nuit, discuter, répéter, c'est vraiment étonnant. Et en plus, c'est pas pour, on était, même si c'était pour Canal+, et pour une fois on avait un peu de sous, les salaires étaient ridicules. Même Kirk Douglas, qui l'a fait au moment où la productrice lui a signé son chèque après, à la fin du tournage, il a dit de le faire à l'ordre des orphelins de Los Angeles ou n'importe quoi, on est allé le donner. Il n'a pas touché un centime. Ça les a amusés, je crois. Mais en travaillant sérieusement en plus. Mais ça serait peut-être trop facile de s'en débarrasser comme ça, parce que quand on dit le professionnalisme, voilà, bon, ça donne une espèce de côté un peu... Ça donne un costume. Est-ce que vous avez décelé, vous, autre chose que cette extrême exigence ? C'est-à-dire que c'est tellement relié à leur vie, c'est tellement organiquement, profondément, la façon dont ils se sont construits, qu'ils ne pourraient pas en être autrement, qu'ils ne pourraient pas se dérouler dans un endroit comme ça, d'une autre façon ? Je crois. Et en plus, ils avaient tous une certaine sympathie pour la France, pour le cinéma français. Ça jouait beaucoup aussi. Et le fait qu'on s'intéresse, qu'on vienne du bout du monde pour les voir, alors qu'ils n'ont plus tourné depuis des années, et tout ça, ça a dû les amuser, les exciter. Le projet était assez fou. En même temps, on conclura peut-être cette introduction de cette façon-là. Même si ce sont des grands noms, arriver à convaincre une production au regard de la normalisation en marche du moment, est-ce que ça a été difficile, facile? De convaincre la production ou la chaîne qui... La chaîne? La chaîne, ils n'ont jamais compris ce qu'on était en train de faire, du début à la fin. Même nous, on n'arrivait pas à expliquer, à les raconter que c'est l'histoire d'un policier, il se revoit en flashback, et il a 25 ans, et c'est lui-même qu'on revoit. L'histoire était volontairement, on s'est dit, si c'est une parodie des films noirs avec les femmes fatales, et les coups de théâtre et le témoin qu'on doit protéger et qu'on n'arrive pas et qui est abattu, il fallait que ce soit comme Le Grand Sommeil, totalement incompréhensible. Et ça, c'était difficile à admettre. C'est pour ça que j'étais très content à Deauville, parce qu'il y avait un public de cinéphiles. Les gens reconnaissaient tous les extraits. Il y a quand même 60 extraits de films noirs dans le film. Et la salle réagissait très très bien. Alors voilà, il faut préciser qu'à Deauville se tient chaque année le festival du film américain, du cinéma américain. Donc en général, les aficionados du cinéma américain s'y donnent rendez-vous. Bien sûr, d'habitude, ils n'acceptent. Le film est passé sous une étiquette, comme il est entièrement en anglais. Il est passé, c'était même drôle parce que la télévision France 3 régionale, quand ils m'ont invité sur leur plateau, ils m'ont dit « Do you speak French ?» qui était à mourir. Mr. William. Exactement. Demain, suite de cette évocation, nous retrouverons au micro d'Histoire Vivante le réalisateur William Carell. Une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker, Jean-Philippe Zvalon. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.